إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc le sujet pour ce cours, c'est la chasteté de la femme musulmane. La chasteté de la femme musulmane. Et le but de ce cours, de cette conférence, l'objectif principal de cela, c'est d'éclaircir les moyens énoncés dans le Coran et la Sunna qui permettent de concrétiser ce qu'on appelle al-iffa, la chasteté. Qu'on traduit par la chasteté, on va voir plus en détail ce que veut dire ce terme al-iffa ou al-afaf. Et lorsqu'on regarde le cas des sœurs, on va s'apercevoir qu'il y a deux cas qui se présentent. Le premier cas, une fille dont Allah Azzawajal lui a favorisé dans cette dunya deux parents qui sont multazimin, wa yuhafidhuna ala hududillah wa yurabbuna awladahum tarbiyatan saliha wifqa al-kitab wa sunnah fa hadha ni'ma ni'matun 'azima min Allah Azzawajal. تربيت هذه البنت في هذه الأسرة فتمتعت بهذه التربية. Donc la première fille, c'est celle qui est née dans une famille musulmane et dont les parents sont sur le droit chemin, mustaqimin, et qui vont donc lui donner et l'éduquer suivant les préceptes du Coran et de la Sunna. Ça, c'est un premier cas. Pour ce cas-là, on va parler de muhafazat al-iffa. Muhafazat al-iffa ou al-afaf. C'est-à-dire donc, comment elle va préserver ce qu'elle a acquis. C'est déjà donc un acquis qu'elle a reçu à travers cette éducation. Comment elle va préserver cela. Et le deuxième cas, c'est une fille, soit qui n'était pas multazima, qui n'était pas dans le droit chemin, qui ensuite Allah Azzawajal lui a favorisé, la diriger, la guider, et qu'ensuite donc elle revient sur le droit chemin de la religion et qu'elle veut donc plaire à son Seigneur et pratiquer sa religion comme il se doit. Ou alors une sœur qui se convertit à l'islam et qui va apprendre donc depuis le début ce qu'est l'islam et quels en sont les principes et quelle en est l'éthique, le comportement, etc. Pour ces cas-là, ou pour ce deuxième cas-là, ça va être donc un apprentissage initial qui part depuis le début et dont la fille va devoir acquérir, sachant, et ça c'est un point qui est fondamental, c'est que tout être humain au départ de sa création yulad ala al-fitra, c'est-à-dire donc il va naître suivant ce qu'on appelle al-fitra, que l'on traduit par la nature prédisposée ou la prédisposition naturel, ou la saine nature de l'homme, etc. Ou d'autres qui vont traduire directement par l'islam, al-fitra. Donc, chaque personne, chaque homme, chaque femme, lorsqu'il naît, lorsqu'il sort du ventre de sa mère, il a cette fitra. Et Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينَ حَنِيفًا. C'est-à-dire donc, dirige, ou lève, il s'éloigne, Yurad al-jism kakul al-insan kakul, c'est-à-dire donc dirige ton être tout entier pour la religion, envers la religion. Hanifa, le terme Hanifa, c'est celui donc qui est loin de la pratique du polythéisme. Ba'id an muyul al-shirk. Fitrat Allah allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah. C'est-à-dire donc ceci est la fitra, c'est comme ça qu'on est né. Fitrat Allah allati fatara an-nasa عليا لا تبديل لخلق الله. C'est-à-dire cette fitra, c'est celle qu'Allah Azza wa Jal il a créée. Et que cette fitra, donc, elle est inhérente à l'homme lorsqu'il sort du ventre de sa mère, subhanallah. Et donc, cette fitra-là, il comprend dans cette fitra-là tout ce qui est donc en conformité avec la religion. Et parmi cette conformité, et parmi tous les points de la religion, donc, l'ifa, l'afaf, la chasteté. Et c'est qu'ensuite, avec le temps, soit suivant l'éducation, ou alors toutes les voies que le diable va emprunter, qu'ensuite l'être va diverger, qu'il va s'écarter de la voie, et qu'il va perdre donc, pour ce qui est du cas de la femme, également de l'homme, il va perdre donc cette chasteté. Yafqud hadhihi sifat al-mahmouda yatrukuha yubaddiluha bima huwa qabih wa sayyi yubaddil, c'est-à-dire qu'il va délaisser cela et qu'il va la remplacer par ce qui est mauvais, ce qui n'est pas du comportement du musulman ou de la musulmane. Et c'est pour ça que dans Fi Sahih Muslim, dans un hadith authentique, min hadith Iyad ibn Himar al-Mujashi'i radiyallahu ta'ala anhu, qui nous rappelle et qui nous rapporte une khutba du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il avait fait, et qui nous a précisé dans cette khutba que l'homme, après avoir été sur cette fitra, l'homme ou la femme, ensuite ce sont les djabs qui l'ont écorté de cette voie là faqala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa inni khalaqtu ibadi tab'an hadha hadith qudsi lama yaqul inni khalaqtu ibadi hunafa, c'est-à-dire qu'Allah dit, Allah azza wa jalla il dit, donc Allah il dit, car le prophète rapporte d'Allah, il dit inni khalaqtu ibadi hunafa, j'ai créé donc mes créatures hunafa. Hunafa donc c'est loin de tout shirk, de tout polythéisme. Mais également, on comprend par là, à plus forte raison, qu'ils sont sur le droit chemin, c'est-à-dire qu'ils vont être sur cette fitra, et que cette fitra va comprendre tout ce qui rentre dans la croyance et tout ce qui rentre également dans le caractère propre à l'homme, c'est-à-dire saint, avant qu'il advienne cette déviance, cette divergence. Kullahum, c'est-à-dire tous sans exception. Wa innahum atatuhum ash-shayatin fashtalathum an dinihim. Fashtalathum yani ab'adahum. Ab'adathum yani ash-shayatin ab'adathum an dinihim, c'est-à-dire donc que le diable ensuite les diables, avec tous les moyens qu'ils ont disposés, ils ont fait dévier la personne. Donc ils l'ont fait dévier de leur croyance et également ils l'ont fait dévier du comportement de l'islam et de ce qui est propre à l'éthique musulmane. Ayadan billah. Donc ça c'est un point qui est important. Et donc si on revient au cas qu'on a dit, on voit bien, soit la femme, pour ce qui est de sa chasteté, elle l'a préservée, ou alors elle l'a délaissée. Et les djabs sont occupés d'elle par tous les moyens pour pouvoir donc, ou pour arriver à leur but, c'est de la faire dévier de la religion en lui faisant perdre donc cette chasteté, ayadan billah, et son honneur. Et on sait qu'il y a un combat qui est constant de la part des ennemis de l'islam, qatalahumullah, pour ce qui est du sujet bien précis de la femme en islam, et qui en réalité sous l'étendard mensonger de la liberté de la femme, de l'émancipation féminine, du progrès et tout ce qui peut aller dans ce sens comme terme qui pourrait faire croire le bien, mais qui en réalité derrière se cache le mal pur. Ash-shar kulla, ash-shar kulla. Et ils mettent donc en place différents moyens dans plusieurs domaines, suivant les différentes étapes de la vie, al-hasab marahil al-hayat al-dunya. Et donc ils ont pour objectif l'écartement total de la femme musulmane, des mœurs islamiques, des comportements vertueux et également des directives religieuses. Idhan, haula a'da'u l'islam walaw يرفعون لواء يحملون فيه أسماء لكن هذه الأسماء في الحقيقة تتضمن تضليل المرأة المسلمة وعن كل ما يتعلق الأداب الإسلامي الأداب الشرعي والله المستعان. وأنا قلت في بداية المحاضرة يكون هذا الموضوع مهم ليس فقط للنساء وكذلك للإخوة الموجودين. لماذا؟ لأن الرجل طبعا بالنسبة للمرأة الأمر يكون واضحا، لكن بالنسبة للرجل، الرجل وأب لو مسؤولية، الرجل وجد لو مسؤولية، الرجل قد يكون أخ لديه مسؤولية، وقد يكون إمام، وقد يكون خطيب، وقد يكون مسؤول في المجتمع. فالمسؤولية ترجع إلى الجميع. C'est-à-dire que lorsqu'on a dit que ce cours, même si la chasteté de la femme va concerne, on va dire directement la femme sur certains angles, on va s'apercevoir que même l'homme, il est également concerné par cela. Car l'homme, il peut être un père, car l'homme, il peut être un frère, car l'homme, il peut être un responsable, il peut être un grand-père, etc. Et donc, il a sous sa responsabilité qui ? Des filles. Et donc lui il va être responsable par rapport à elle pour les éduquer suivant l'islam ou alors pour les faire revenir sur le droit chemin. Donc il doit connaître ce qui est en relation avec ce sujet et quels sont les moyens de préserver cette chasteté ou alors de l'acquérir. Il doit être la buddha an yakuna ala basira ala ilmin. Il faut qu'il soit donc qu'il ait science de cela, qu'il ait la connaissance de cela. Ça c'est une chose qui est primordiale pour celui qui est responsable dans sa famille. والله عز وجل يقول في القرآن الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. C'est-à-dire qu'Allah عز وجل il a placé les hommes comme étant responsables des femmes. L'homme il est responsable de la femme. La femme elle est sous la tutelle de l'homme. Donc cette responsabilité, comme on va voir, elle est large. C'est une responsabilité. Et on dit d'après ce qu'Allah Azzawajal, pour ce qui est de terminer la traduction du verset, par rapport à ce qu'Allah Azzawajal, il a placé comme préférence par rapport aux uns et aux autres et par rapport également à ce que l'homme, il dépense. Et également le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul fi al-hadith al-sahih, le hadith Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma kullukum ra'in. C'est-à-dire tout le monde est responsable et il est responsable de sa famille qui est encore plus général de tout ce qui est sous sa tutelle. C'est-à-dire que l'homme il est responsable de sa famille, il est comme un berger pour eux, donc on voit que ça revient à lui cette responsabilité également. Ar-rajul labut يكون مسؤول أمام الله عز وجل بما صنع بأهله. هل كانت تربية صالحة على علم وفق الكتاب والسنة وهكذا. وكذلك المرأة راع في بيت زوجها. De même pour ce qui est de la femme. La femme elle est également responsable et bergère dans la maison de son mari. Donc elle a également la responsabilité. Si Allah Azzawajal lui a donné la science, et Allah Azzawajal lui a donné ce bienfait de la chasteté, elle doit donc l'enseigner et elle doit le faire passer ou le transmettre à sa fille. Donc tout ça c'est des mas'ouliyah. Donc ce cours et les asbab qu'on va voir, les causes qui vont permettre, les moyens qui vont permettre de concrétiser cette chasteté, elles sont autant valables pour l'homme que pour la femme. Et lorsqu'on a parlé la buddha an takuna ala basira, on se rappelle ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, apprendre la religion, talib al-ilm, c'est-à-dire apprendre la religion. Ici, bien entendu, ça va concerner ad-daruriyat, tout ce qui rentre dans ce qui est nécessaire à apprendre dans la religion, ce qui fait partie des choses nécessaires comme la croyance, les bases de la croyance, le comportement, l'éthique, etc. Donc on voit qu'il faut passer automatiquement ici par la science, al-ilm. Et que dans cette science-là, il y a un grand ajab. Toujours on le répète. Inam. Parce que cette science-là, elle sert à quoi? C'est pas une science qui va être purement théorique, mais c'est une science qui va, qu'il faut qu'elle soit pratique, c'est-à-dire qu'on va mettre en pratique. Et si on la met en pratique, automatiquement, on va retrouver adal athar, c'est-à-dire on va retrouver cet effet sur nous-mêmes, sur nos proches, automatiquement. Donc apprendre, pour ce qui est de notre sujet ici, ce qu'est la chasteté et tous les moyens qui vont permettre de conserver cette chasteté et la faire ensuite appliquer dans nos familles, dans nos foyers, pour qu'ensuite donc ce résultat apparaisse dans la société de façon générale. Et ici simplement un rappel pour ce qui est de talib al-ilm, pour ce qui est d'apprendre la religion. Est-ce que vous saviez que même les poissons qui se trouvent dans l'eau, ils demandent le pardon à celui qui apprend la science? Ça, c'est une parenthèse qu'on fait. Alladhi yatlub al-ilm kama jaa fi kitab al-ilm li Ibn Abd al-Barr. أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن طالب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. C'est-à-dire que l'étudiant en science, toute chose lui demande pardon, même les poissons qui se trouvent dans l'eau. Il demande pardon à celui qui va apprendre la science. يطلب العلم. هذا وفضل عظيم. Ça, c'est un grand bienfait pour celui qui va emprunter ce chemin. Et donc, pour acquérir ces moyens et puis ensuite les mettre en pratique, il faut donc assister aux cours, il faut assister aux conférences, il faut assister aux prêches, et qu'il doit observer avec constance, que ce soit donc pour l'homme et pour la femme, qu'ils doivent observer avec constance ces règles-là, qu'ils vont appliquer sur la famille, car c'est un travail de constance, un travail qui demande beaucoup de temps, un travail de constance qui se fait, un travail de fond. C'est-à-dire pour bien des personnes, lorsqu'ils commencent fil iltizam, ils croient que tout le monde va suivre. Lui, il croit que tout le monde va suivre ou va le suivre, suivant son rythme. Et que tout va devenir, comme il se doit, un laps de temps. Fil haqiqa, la buddha min adam al-istirjal fil umur wal-hikma. C'est-à-dire que l'homme, il doit patienter par rapport à cela, par rapport à sa famille, par rapport à ce qu'il pratique actuellement. Il ne faut pas se précipiter. Le principal, c'est qu'il y ait un travail de fond qui soit fait, et de manière continuelle et constante. Hada wal matloub. Et également, l'ajr, pour celui qui a appris cette science, et pour celui qui va la transmettre et qui va l'appliquer, le ajr, lorsque cette personne-là va la faire appliquer dans sa famille, il va l'enseigner à ses filles, pour ce qui est de la chasteté, ici, al-ifa, Al-Afaf, lorsqu'il va l'enseigner à ses filles, lorsqu'il va enseigner ses sœurs, s'il a des sœurs, s'il est père de famille, lorsqu'il va enseigner ses filles, il y a un grand ajr par rapport à ça. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué, min hadith Abi Huraira, muttafaqun alayhi, anna man da'a ila huda, celui qui va appeler à une. Al-Huda, on va traduire guidance, mais en réalité, il rentre dedans tout ce qui est des actes du bien. من دعا إلى هدى كان له من الأجر كان له من الأجر مثل أجور من تبعهم. Il va donc, celui qui va appeler à la huda, à cette huda, que ce soit un bien, que ce soit dans la croyance, que ce soit dans une pratique, ou que ce soit par exemple ici la chasteté, c'est-à-dire qu'il va apprendre à ses enfants la chasteté, ou alors comment conserver cette chasteté, alors il va récupérer ensuite le hajar. La fille, lorsqu'elle va grandir, et tout le bien qui va découler de cette chasteté et des actes qui vont donc en découler, l'homme, il va en prendre le hajar. Si c'est un père, il va en prendre le hajar. Si c'est un frère qui était responsable, il va en prendre le hajar. C'est un hajar qui va revenir à lui de façon constante. C'est pour ça que les savants, ils ont dit par rapport à ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque musulman qui va faire un bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en reçoit la récompense. Car c'était le premier dans cette communauté qui a, ماذا فعل؟ وأول من دعا إلى الهدى. أول من علم الناس وأرشد الناس إلى الحق. إذن هو كل من يعني عمل من هذه الأمة من ذكر الأنثى ثوابه يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن ينقص من أجر العامل شيء. sans bien entendu que qu'il y ait aucune diminution pour ce qui est de l'acte de l'homme, c'est-à-dire celui qui fait l'acte et cet acte-là revient en récompense à celui qui lui a montré, lui il n'a aucune diminution par rapport à cela. Et également l'effort constant que l'homme il va faire pour pouvoir éduquer ses filles, pour pouvoir également éduquer sa femme. Peut-être qu'il s'est marié avec une femme qui n'est pas à la base multazima. Il faut savoir qu'il va également, par rapport à la sharia, par rapport donc à la législation, il va concrétiser les cinq grandes finalités de la législation. Et la chasteté, c'est-à-dire l'ifa, ça rentre ici, fil irb. Et on sait que les cinq finalités de la législation, c'est-à-dire pourquoi la législation, ou alors quels ont été les objectifs principaux de cette législation, et pourquoi cette législation a été mise en place, c'est pour préserver cinq finalités chez l'homme. La première, c'est bien entendu ad-din, la religion. Ensuite, elle mêle le bien. Ensuite, al-nafs, qui est l'âme. Ensuite, al-irb, qui est donc l'honneur, la dignité. Et il rentre ici, al-ifa, la chasteté de la femme, également de l'homme. Al-ifa, al-irb. Et ensuite, le dernier, qui est l'aql, qui est donc la raison. Ma ya al-ifa. On parle donc de chasteté, on traduit par chasteté, al-ifatu. Al-afaf, ishmana. Par rapport à la langue arabe, ça veut dire al-kaf. Al-kafu amma la yahil wa la yajmul. Al-kafu amma la yahil wa la yajmul. C'est-à-dire, al-kaf, c'est s'abstenir. Ce terme al-kaf, il a pour notion s'abstenir et délaisser ma la yahil. Tout ce qui n'est pas licite. Tout ce qui n'est pas licite wa la yajmul. Et tout ce qui ne fait pas partie des choses qui vont être considérées comme bien. C'est-à-dire que la raison humaine va voir comme étant bien. Allah dit la yajmou. C'est yel akhlaq. Il y a une personne qui a un mauvais comportement, des mauvais comportements qui sont dénigrés autant par les musulmans que les non-musulmans. Donc tout ce qui est s'abstenir de tout ce qui va être illicite. Et on dit également l'istirfaf. Istirfaf qui est talab al-afaf. Qui est talab al-afaf. Ou al-kafu an al-muharram. Wassu'al min al-nas. C'est donc également l'istirfaf, c'est demander ou c'est chercher donc à obtenir ce rafaf. Et ça se traduit ici par s'abstenir des choses qui sont muharram et également s'abstenir de demander aux gens. Également, ça fait partie de al-rifa ou al-rafaf. Hada mustarfif. Une personne qui est considérée comme cela, mustarfif, c'est une personne qui ne demande pas. Même s'il est dans le besoin, il essaye, on va dire, suivant sa capacité de ne pas demander aux gens. Vraiment, s'il est dans un cas de grande nécessité. Sinon, on ne demande pas aux gens. Malheureusement, certaines personnes, moindre chose, ils demandent. Non, la personne, pour qu'elle ait cette qualité, elle ne demande pas aux gens. Elle doit essayer de demander le moins possible sa nécessité. Et on dit imra'atun afifatun. C'est tout simplement une femme qui est pudique, une femme qui protège son honneur et s'écarte de tout ce qui va à l'encontre de cet honneur-là. Pour ce qui est des moyens, maintenant donc on va rentrer dans ce qui est des moyens. Comment on préserve l'ifa? On va citer plusieurs moyens, on va citer beaucoup de moyens. Tous ces moyens sont pris du Coran et de la Sunna. Ce que nous a placé la sharia, ce que nous a placé Allah Azzawajal dans son Coran ou ala lisani rasoulihi sallallahu alayhi wa sallam, on va le retrouver donc ici. C'est-à-dire que ça va être des moyens qui vont être mis en place par sharia que la femme elle soit chaste, elle fasse preuve de chasteté, qu'elle soit une femme afifa. Le premier moyen et qui est sans doute le moyen majeur et principal essentiel, c'est l'imanu billah wa taqwa. L'imanu billah wa taqwa. Hada aham shay fi al-mawdu' hada. An takun al-mar'a taqiyya, an takun mu'mina haqqan, qu'elle soit une véritable croyante. Et donc la croyance et la foi, ça passe, comme on a dit auparavant, par l'apprentissage. Donc maintenant, il faut qu'il y ait un apprentissage qui soit fait, que la femme elle apprenne ce qui est essentiel dans sa religion par rapport à la croyance, et qu'ensuite elle l'applique. Il faut que vienne cette iman, il faut qu'elle soit mu'mina, il faut qu'elle soit saliha, il faut qu'elle soit pieuse. Avec cette piété, avec cette foi, va venir la chasteté. Ça va être le meilleur des moyens. Car on sait que la chasteté est en relation avec la foi. Lorsqu'on parle de la chasteté, c'est en relation avec la foi. On aura le temps de revenir plus précisément sur ce qu'on appelle el-haya, la pudeur, et qui est en étroite relation avec ce terme, el-ifa. Pour ce qui est bien entendu de la croyance, apprendre ses piliers, les piliers de la croyance, les six piliers de la croyance. Et le plus important de ces piliers, c'est l'iman ou billah. L'iman ou billah, la croyance en Allah Azzawajal. Donc il faut éduquer. D'abord, si toi tu es un père maintenant, éduquer ta fille et lui apprendre ce qu'est la croyance. Il faut lui apprendre. Il faut qu'ensuite elle l'applique. Ça, c'est ta responsabilité. Comme père, ou alors également la mère, ou alors également le frère. Wal iman billah, c'est l'iman bi wujudillah, l'iman bi rububiyatillah, l'iman bi ubudiyatillah, wal iman bi asma'i wa sifat. Et ensuite, croire en la seigneurie d'Allah Azzawajal, et croire ensuite en l'adoration d'Allah Azzawajal, et croire en ses noms et ses attributs. Donc tous ces points, on les a développés dans beaucoup de cours pour ce qui est de la croyance. Ala kulli hal, pour ce qui est des noms et des attributs, on fait ici une parenthèse, et c'est important, car souvent on entend les noms et les attributs d'Allah Azzawajal, mais on aimerait savoir comment l'homme il apprend ses noms et ses attributs et comment il pratique, c'est-à-dire il pratique son contenu. Car on sait que le prophète nous a indiqué dans un hadith qui est authentique, inna lillahi tis'atan wa tis'in isman man ahsaha, c'est-à-dire qu'Allah Azzawajal possède 99 noms. Et ensuite il dit le prophète sallam, man ahsaha dakhal al-jannah. Les savants l'ont expliqué. Et à travers leur explication, ils nous ont montré réellement comment dans notre vie de tous les jours, on applique notre croyance par rapport aux noms et aux attributs. Et ça va être un point qui est fondamental. Et encore plus précis, et plus précisément ici dans notre sujet, pour ce qui est de la femme et de sa chasteté, comment elle préserve cette chasteté à travers donc sa foi et son iman, qui est pour elle donc ce support principal. Et entre parenthèses, on voit que malheureusement dans certains pays musulmans, lorsqu'il est arrivé le colonialisme, l'istirmar, il y avait certaines femmes qui avaient pris cette chasteté ou qui avaient cette chasteté, qui l'ont pris, on va dire, par héritage, sans avoir réellement une science, sans avoir réellement une iman par rapport à cela. Et c'est pour ça qu'on a vu, avec le temps, très facilement, les gens ils se sont écartés de cela. C'est-à-dire les filles, qu'on peut le voir malheureusement dans beaucoup de pays musulmans, elles se sont écartées directement de cela. Car elles n'ont pas eu une mère qui l'a éduquée, suivant donc à la foi, l'iman, sachant réellement pourquoi elle avait cette chasteté. Quelle était la cause de cette chasteté? C'était basé plus sur taqalid, c'est-à-dire sur des habitudes, etc., sans réellement en avoir une compréhension. Et c'est ce qui a fait, ou qui était le résultat de la facilité de, on va dire, ta'til adil iffa. C'est-à-dire donc qu'ils ont pu mettre fin à la chasteté de la femme musulmane dans beaucoup de pays, ayadan billah. Donc c'est pour ça que ça c'est important. Que lorsqu'on va parler de chasteté avec nos enfants, il faut d'abord les éduquer avec cette foi. C'est à partir de cette foi-là qu'ils vont construire cette qualité-là. Et donc pour revenir au nom et aux attributs d'Allah Azzawajal, et si j'insiste sur cela, c'est comment nous, on va vivre. Donc c'est valable pour ce sujet, c'est valable, on va dire, dans la vie du musulman de tous les jours. Les savants, ils en ont donné une explication, et qui est très propice pour le musulman s'il la comprend. Ils ont dit donc, d'abord, pour ce qui est de la parole du prophète sallam, man ahsaha dakhala al-jannah, ahsaha man hafidha, c'est-à-dire ceux qui vont apprendre ces noms, qui vont connaître les noms d'Allah Azzawajal. Et ce qu'ils contiennent comme attribut, car on sait que chaque nom va comprendre un attribut. Chaque nom comprend un attribut d'Allah et non le contraire. C'est-à-dire que ce n'est pas tous les attributs d'Allah Azzawajal dont on va en tirer un nom. Mais le contraire, Naam. C'est-à-dire tous les noms, on va en tirer un attribut. Donc comprendre ce que veut dire cet attribut. Mais des attributs, il y en a beaucoup. Et des noms d'Allah Azzawajal, il y en a beaucoup. Ils ont tous des sens. Ils ont des sens qui sont différents. Les noms d'Allah Azzawajal, ils ont des sens entre eux qui sont différents. Donc il faut les comprendre et communiquer. Et ici, on va donner quelques règles et quelques exemples qui sont importants. À titre d'exemple, il y a des noms, lorsqu'on les entend, et lorsqu'on les comprend, et lorsqu'on les apprend, et lorsqu'on veut les appliquer, comment on veut les appliquer ? C'est des noms dont on peut suivre et en appliquer le sens. Dont on peut suivre et en appliquer le sens. À titre d'exemple, Ar-Rahim, Al-Karim, ça c'est des noms d'Allah Azzawajal. Ar-Rahim, Al-Karim, c'est des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le monde sait ce que veut dire Ar-Rahim, le très miséricordieux, Ar-Rahim. Donc, Vurrahma, celui qui possède quoi ? La miséricorde. Cette miséricorde, avir rahma taliqu billah azawajal. On sait que parmi les règles des attributs d'Allah azawajal, c'est propre, c'est tous ces noms et tous ces attributs sont propres à Allah azawajal et que personne ne ressemble à Allah azawajal en ses attributs. Ça, c'est des règles qui sont acquises, inshallah, pour beaucoup d'entre nous. Et donc, Ar-Rahim, si on sait qu'il comprend comme attribut Ar-Rahma, Vurrahma, c'est un attribut que l'on connaît et dont on peut en appliquer le sens. Bima yaliqu bina, pour ce qui est propre à nous ici. Pour ce qui est propre à nous. Donc la personne, elle peut être miséricordieuse. Et par là donc, elle va appliquer ce hadith du prophète sallam, man ahsaha dakhala al-jannah. Il applique à ce moment-là. De même pour ce qui est Al-Karim, Allah Azzawajal, il est le généreux. C'est lui qui a les générosités, cette générosité qui est propre à lui, subhanahu wa ta'ala. Par rapport au sens, tout le monde le comprend. Et cette générosité, nous, on peut appliquer son sens dans la vie de tous les jours. Donc à partir de là, on applique donc ce que contient cet attribut comme sens. Et on est généreux envers les créatures. D'autres noms qui sont propres à Allah Azzawajal, donc une autre catégorie de noms qui sont propres à Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens. Donc personne donc ne peut appliquer le sens. À titre d'exemple, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Ça c'est des noms où seul Allah Azzawajal, où le sens de ce nom-là est uniquement applicable par Allah subhanahu wa ta'ala. Car ou Al-Jabbar, ou Al-Mutakabbir. Les sens que comprend ces noms-là, nous on ne peut pas l'appliquer. Et celui qui va appliquer un de ces sens-là, alors il va être dans la contradiction avec la religion. Ayyadan Billah. Quelqu'un qui va être orgueilleux, qui va contraindre les gens par injustice. Donc, à ce moment-là, dans le cas de l'homme, c'est un aïb. Dans le cas de l'homme, c'est un défaut. Mais dans le cas d'Allah subhanahu wa ta'ala, hadha thana mahd. Bien au contraire, pour Allah Azzawajal, c'est une qualité qui est absolue. Car huwa al-jabbar, huwa alladhi khalaqa kulli shay, wa ajbara kulli shay. Donc ça, on n'a pas le droit d'en appliquer le sens. Ça, c'est une catégorie de noms. Une autre catégorie de noms, c'est cette catégorie de noms, lorsqu'on entend leur sens, on doit en recevoir une part, c'est-à-dire une part de ce sens-là, et ce qu'il contient. Donc ça se fait bi a'mal al-qulub. Yarju. Inna ma yasma' hadha al-ism min asma'illah yarju bima yatadamman hadha al-ism min sifat. À titre d'exemple, Ar-Ra'uf, Al-Ghafur, Al-Jawad, etc. Lorsque la personne entend qu'Allah Azza wa Jalla al-Jawad, qu'Allah Azza wa Jalla al-Ghafur, elle espère donc qu'Allah va lui faire miséricorde, ou alors qu'Allah Azza wa Jalla va lui pardonner. Il espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala va être généreux avec lui. Donc il fait des doigts. Il nomme Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms. Ya Jawad, Ya Karim, etc. Donc on voit comment le musulman, il vit avec ses noms. Il les apprend, mais également il vit en pratique. Il pratique ce que contiennent donc ces noms en sens. Ou alors le contraire. Le sens contraire, c'est-à-dire lorsqu'un nom contient la menace. Ici, ces noms, ils contenaient donc ce qu'on appelle le wa'd. Dans un autre sens, ils contiennent ce qu'on appelle al-wa'id, c'est-à-dire la menace. Lui de même, par son cœur, lorsqu'il entend ces noms-là, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala la protection de cela. Donc, il essaye, de par son cœur et de par ses doigts, de se protéger de ce que contient ce sens-là. Comme par exemple, al-aziz al-dhul-intiqam, comme par exemple, shadid al-iqab, sari' al-hisab, lorsqu'il entend qu'Allah Azza wa Jalla, il est dur en châtiment, qu'Allah Azza wa Jalla est prompt en compte. Tout cela, lorsqu'il entend ces noms, alors il a peur. Il a peur que cela pourrait le toucher de par ses péchés et qu'Allah Azza wa Jalla le châtie. Donc on voit également ici le musulman, de par sa croyance et de par sa piété, il applique ses noms et ses attributs. Également ce dont il témoigne, le croyant, et ce témoignage qui va l'aider à se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla. À titre d'exemple, comme Ulu Allah Azza wa Jalla, ala khalqi, le fait qu'Allah Azza wa Jalla s'est élevé au-dessus de ses créatures, al-ulu, l'élévation, que ce soit ulu al-qahr, que ce soit ulu al-shahn, ou que ce soit ulu al-dhat, anwa' al-ulu, al-insan yashhad bi-adhi al-ulu lillah Azza wa Jalla, wa yata'athar fi ibadati biha. C'est-à-dire donc que l'homme, il va témoigner de, à titre d'exemple, de passion d'Allah Azza wa Jalla. Et cela va avoir une influence directe sur son adoration. Lorsqu'il sait qu'Allah Azza wa Jalla, il est au-dessus des cieux, qu'il est au-dessus de son trône. Wa bi fi ma'na kadhalika al-istiwa. Que ce soit l'élévation de par sa domination, que ce soit l'élévation de par son rang, ou que ce soit l'élévation de par son être, son entité, subhanahu wa ta'ala. Tout ceci va aider également le musulman lorsqu'il entend ces noms, lorsqu'il les apprend. Et lorsqu'il vient avec, donc, de se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla, d'acquérir donc cette piété. Pour ce qui est de la femme ici, c'est plus qu'important. Lorsqu'elle sait qu'Allah Azza wa Jalla, il a ses noms et ses attributs. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala automatiquement, il va soit la châtier ou la rétribuer par rapport à ce qu'elle aura acquis comme chasteté. Et qu'Allah Azza wa Jalla la voit, qu'Allah Azza wa Jalla l'observe, qu'elle soit chaste devant les hommes, devant les étrangers, mais qu'elle soit chaste également devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour ce qui est de taqwa, pour ce qui est de la piété, les savants en ont donné la définition. Mais si on a parlé de la croyance, al-imanu, ou de la foi, pour ce qui est de la crainte, يقولون أهل العلم أن تجعل بينك وبين عذاب الله بين عذاب الله وقاية بعمل الأوامر واجتناب النواهي. C'est-à-dire que tu places entre toi et le châtiment d'Allah Azza wa Jal وقاية, c'est-à-dire une protection. Quelle est cette protection et comment se traduit cette protection? En faisant les actions qui sont obligatoires et en délaissant ce qui est interdit. Ça c'est التقوى. هذا هو التعريف بالتقوى. أن تجعل بين عذاب الله وبينك وقاية بعمل الأوامر واجتناب النواهي. Et on sait que si la personne, et plus précisément ici la femme, elle a cette taqwa, elle atteint cette taqwa, Allah Azza wa Jalla يقول في القرآن في كتابي يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. Oh vous qui avez cru, si vous craignez Allah Azza wa Jalla, Allah vous donnera, vous placera un discernement. Al-Furqan, c'est un discernement, permettre donc de différencier entre le mal et le bien. De différencier entre le mal et le bien. Ça fait partie des thamarat al-taqwa, ça fait partie des fruits de la taqwa. Et donc la femme, lorsqu'elle a cette taqwa, automatiquement elle va discerner en ce qui est entre le mal et le bien. Elle va donc avoir un discernement pour ce qui est de sa chasteté. La croyante donc, elle observe minutieusement ce qu'Allah Azza wa Jalla lui a ordonné, scrupuleusement. Elle observe hadhihi al-awamir et elle s'écarte de tout ce qu'Allah Azza wa Jalla lui a interdit. Dans le Coran et également dans la Sunna. Ensuite, le deuxième moyen qui permet donc d'acquérir la chasteté ou alors de préserver cette chasteté, qui est un moyen également pratique et qui est plus qu'important, c'est Az-Zawaj, c'est le mariage. Az-Zawaj. Et c'est l'un des moyens les plus efficaces. Et à travers le mariage, l'homme et la femme, ils protègent leur corps et leur âme de tout péché. Et c'est pour cela que celui qui va observer les textes religieux, يتتبع النصوص الشرعية سيجد كثير من الآيات والنصوص القرآنية والنصوص من السنة تحث المسلم على الزواج تحثه على الزواج c'est-à-dire celui donc qui va observer les textes religieux va s'apercevoir que beaucoup de textes vont inciter, vont motiver à se marier. Parmi les versets du Coran, وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُ فُقَرَا يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ Bien entendu, ici, le khitab lil awliya. Le khitab lil awliya. C'est-à-dire donc qu'Allah Azzawajal s'adresse à ceux qui sont responsables du mariage. Al-Wali. Et Al-Wali, subhanallah, lorsqu'on dit Al-Awliya, Al-Wali, fi l'islam, هذا نعمة من نعم الله عز وجل لتحقيق هذا العفاف كذلك. Et on prend sous cet angle la responsabilité de qui est le wali, on va voir que c'est vraiment une grande ni'ma qu'Allah Azza wa Jalla a placé à travers sa religion, à travers sa législation pour protéger Adal Afaf, pour protéger la chasteté de la femme. Car on sait que l'homme, bil kalimat al marsoula, avec ses mots de miel et ce qui peut toucher le cœur de la femme, il peut arriver à des buts. Car la femme elle est faible. Par rapport à cela, la femme elle est faible. Pas besoin de faire un discours sur cela, tout le monde le sait. Et c'est pour ça donc que la sharia, la législation, aujaba riba al-wali, ki yakuna 'aqd az-zawaj salihan. La législation elle a obligé l'approbation du wali. Car peut-être l'homme il peut affaiblir la femme de par ses paroles et la faire tomber dans ce qu'elle ne voulait pas. Par contre, si l'homme est obligé de passer par un autre homme qui lui est responsable de la femme, alors ça, il n'en aura pas la possibilité, car il est en face d'un homme. Et le piège qu'il peut essayer de tenter, ou qu'il tente de faire, ou son stratagème, il ne pourra pas le faire avec l'homme. Donc c'est pour ça que ça, c'est une grande ni'ma de l'islam. Qu'en réalité, Allah, il a placé, subhanahu wa ta'ala, al-zawaj, et qu'ensuite, qu'il a mis des règles par rapport à ce zawaj. Il a protégé comme ça la femme, il a protégé sa chasteté et son honneur. Al-ayama minkum wa salihin. Al-ayama, comme l'ont dit les savants, man la zawjan lahum min an-nisa wa rijal, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas mariés, qui n'ont pas d'époux ou d'épouse. Ça c'est al-ayama minkum wa salihin min ibadikum wa imaikum. Et les pieux parmi vos serviteurs, parmi les serviteurs, vos serviteurs et vos esclaves. In yakunu fuqara yughnihum Allahu min fadli. Et si vous êtes pauvres, alors Allah Azza wa Jal, il vous rendra riche, ou alors il subviendra vos besoins, subhanahu wa ta'ala, wallahu wasi'un 'alim. Allah subhanahu wa ta'ala est large et il est savant. Également, parmi les versets du Coran, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون لقوم يتفكرون. Et parmi également ces signes, parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé parmi vous, min anfusikum, parmi vous de vous-même, azwajan, donc des femmes, des futures mères, litaskunu ilayha, ici à sakan, que ce soit sakan ar-raha wa an-nafsiya, sakan wa ar-raha an-nafsiya, c'est-à-dire donc l'apaisement que va retrouver l'homme chez la femme, et également le repos qu'il va y retrouver, car c'est une source pour lui d'apaisement. Donc ça c'est un des bienfaits pour ce qui est du zawaj. Et à partir de là, la personne, que ce soit l'homme et la femme, ils vont concrétiser leur chasteté. Ce sont des gens qui sont pieux auparavant, ils sont auparavant déjà pieux. Amal fasir, même si celui qui est pervers et qui se marie, c'est pas ça qui l'empêchera donc le mariage de se rendre chaste, ou de rester chaste, ou alors d'acquérir cette chasteté. Il continuera dans sa perversité. Donc c'est pour ça qu'on avait dit le point le plus important au départ, c'est l'iman, le taqwa, le sakan, le rahat al-nafsiya, également le mut'a, ou l'idhat al-jasadiya, également le mut'a, la jouissance que l'homme il a donc du corps de sa femme. Car Allah Azza wa Jalla, il a créé cette énergie qui est en nous tous, Et donc, ensuite, il a créé des voies halal qui sont autorisées pour pouvoir donc, pour pouvoir assouvir ce désir qui est présent et qui fait partie donc de tout homme, qui fait partie de la nature humaine. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَالرَّحْمَةً. المودة, certains traduisent par l'amour, et certains ont dit كِنَايَةٌ عَنِ الْجِمَعِ, c'est-à-dire c'est un c'est en réalité un terme pour désigner l'acte, le rapport sexuel. وَالرَّحْمَةً, certains ont dit كِنَايَةٌ عَنِ الْوَلَدِ, الرَّحْمَةً qu'on traduit par la miséricorde, et certains ont dit كِنَايَةٌ عَنِ الْوَلَدِ, c'est-à-dire donc الرَّحْمَةً ici c'est pour désigner de manière indirecte la progéniture, qui va donc être le fruit de Al-Mawadda. Et certains savants également ont fait remarquer que pour ce qui était de Al-Mawadda ou Al-Rahma, l'homme il se marie et il aime sa femme. Mais cet amour, est-ce qu'il va toujours rester constant, cet amour? Cet amour, il se peut qu'avec le temps, هذه المودة يمكن مع الزمن تضعف يمكن تزول يمكن elle disparaît, cet amour. Et c'est pour ça les savants ils ont dit il reste ensuite ar-rahma, il reste ensuite ar-rahma, il reste ensuite dans le cœur de l'homme cette miséricorde qu'il a envers sa femme. وهذه الرحمة ستبقي العلاقة بين الزوجين. C'est-à-dire ils ont dit les savants que même si cet amour il part ou il devient faible, il va rester cette miséricorde que tout musulman va ressentir par rapport à sa femme. Cette miséricorde que cette femme-là, elle était la mère de ses enfants, qu'elle a éduqué ses enfants, qu'elle l'a servi durant toutes ces années. Donc ce n'est pas parce que cet amour, il est devenu faible ou alors il a disparu, qu'il va se débarrasser de sa femme. Bien au contraire, il va rester dans son cœur ar-rahma. Et ça, c'est contraire à ce qu'on peut voir chez les mécréants. On voit les mécréants sur ce qu'ils appellent donc le coup de foudre. Ils se marient, l'amour. Ils s'aiment. Dès que l'amour, il disparaît, il divorce. C'est ce qu'on peut voir dans cette Adal Mujtama. L'homme et la femme, ils se marient parce qu'ils s'aiment. Et dès que l'amour, il disparaît, c'est terminé. Yani, chacun va voir son propre intérêt et ils vont divorcer. C'est une relation qui ne perdure pas, contrairement donc aux musulmans et contrairement à ce qu'Allah Azzawajal a placé dans son cœur, subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on parle de Azawaj, lorsqu'on parle de Azawaj, de l'homme, il y a également ici un point où on insiste et qui est très important. C'est par rapport à ce qu'on appelle la jalousie de l'homme. Cette jalousie, donc on est ici entre le relationnel entre l'homme et la femme, entre son époux et son épouse. Il y a ici un point qui va être très important, fi tahqiq al-afaf, c'est-à-dire un point qui va également être très important pour pouvoir préserver la chasteté de la femme, c'est quoi? C'est la jalousie de l'homme. C'est la jalousie al-ghayratu shar'iyya ladayya al-muslim, al-mu'min. Ça également, c'est un point qui est très important. Et certaines personnes qui sont ignorantes, malheureusement, si on va leur dire le hadith qu'on va citer maintenant, ils vont dire ça c'est l'exagération. Ça c'est « hadith tatarruf »« hadith mubalara » C'est de l'exagération. « Hadith al-hadith »« hadith muttafaqun alayh » rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim. « Min hadith Sa'd ibn Ubad » qui a dit « Law ra'aytu rajulan ma'am ra'ati » La barabtu bis saif. Il dit Sa'd, si je vois un homme avec ma femme, et s'il n'est pas précisé, la ra'ait rajulan ma imra'ati. C'est peut donc qu'elle parle avec lui. C'est-à-dire qu'elle soit dans une, on va dire, dans une situation où elle n'avait pas à rester avec cet homme, en isolement ou autre. Mada yaqul Sa'd, yaqul la barabtu. C'est-à-dire donc, j'aurais frappé avec mon saif, j'aurais frappé sa tête, c'est-à-dire je l'aurais tué. Certaines personnes, lorsqu'ils ont entendu ça, ils ont été voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont vu de l'exagération dans cela. Fabalara dhalika rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qal ata'jibuna min ghayrati Sa'd. Et il leur a dit, est-ce que vous êtes étonné de la jalousie de Sa'd? Est-ce que vous êtes étonné de sa jalousie? Il leur a dit comme ça le prophète, est-ce que vous êtes étonné de la jalousie de Sa'd lorsqu'il dit qu'il va faire cet acte-là, s'il voyait donc sa femme avec une autre personne étrangère? Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit le prophète sallam? La ana aghyaru minhu. C'est-à-dire, moi, je suis encore plus jaloux que lui. Qudwatuna, le prophète sallam, il nous dit, moi, je suis encore plus jaloux que lui. Wallahu aghyaru minni. Et Allah Azzawajal, il est encore plus jaloux que moi. Wa min ajli ghayratillah harrama al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Et donc à cause de cette ghayra, de cette jalousie, Allah Azzawajal, il a interdit al-fawahish, la turpitude, qu'elle soit apparente ou qu'elle soit cachée. Donc regardez l'importance de la jalousie que l'homme il doit avoir par rapport à sa femme. Et à ce degré-là, na'am, à ce degré-là, il doit avoir cette jalousie. Wa hadha min sifat al-mu'min. Ça fait partie donc des caractéristiques du musulman, qu'il soit comme cela. Il faut qu'il soit une personne très très jalouse. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le cas opposé, il nous a informé que ad-dayuth, celui justement qui n'a pas de ghayra, celui qui n'a aucune jalousie par rapport à sa femme. Il voit sa femme en train de parler avec des étrangers, en train de rire avec des étrangers, ça lui fait rien. Ça lui fait rien du tout. Ayyadam billah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous a informé que ad-dayuth la yadkhul al-jannah. Que celui qui est dans cet état-là, il ne rentre pas dans le paradis. Donc cette jalousie, elle est importante. Elle fait partie intégrante de ce qui va permettre de préserver l'afaf. Que ce soit donc pour nos femmes, mais également pour nos filles. Wallah al-musta'an. Subhanallah, une parenthèse même par rapport à la femme. Wana shahid ala dhalik. C'est-à-dire... une personne de ma famille, non musulmane bien entendu, qui ne sont pas musulmans. Mais je veux dire que ça fait partie de la fitra de la femme en plus de cela. Bien entendu, on sait que la sharia, muwafiqun al-fitra, ou al-tabi'at al-insan, c'est-à-dire que la législation elle est en totale conformité avec la nature humaine, avec sa prédisposition naturelle. Une personne qui était une femme, qui était mariée avec un homme qui n'était pas absolument pas jaloux. Et elle, en réalité, elle se plaint de ça. Jusqu'au jour où là, il y a eu le divorce. Et le deuxième homme qu'elle a eu, c'était un homme qui était élu jaloux. Et elle a donc reconnu à ce moment-là, elle a reconnu donc ce bienfait. Et donc, lorsque la personne, elle se marie, elle va s'écarter de toutes les voies, avec sa piété, elle va s'écarter de toutes les voies qui mènent au zina. Alhamdulillah. Elle va s'écarter de toutes les voies qui mènent au zina, car elle n'a plus d'excuses. Il a donc une femme, et elle a un homme, et Allah Azzawajal les a placés les uns comme les autres en tant qu'habits. Et c'est pour ça que Luqman, il disait à son fils, en parlant donc du zina, et on met donc toujours en garde de tout ce qui sera du zina. C'est pour ça qu'Allah Azzawajal nous a dit wala taqrabu zina, c'est-à-dire ne vous approchez pas du zina. Il n'a pas dit la taznu, la taqrabu zina, c'est-à-dire ne vous approchez pas du zina. Tout ce qui va nous rapprocher de cet acte infâme, que ce soit par l'œil, que ce soit bil-lisan, que ce soit bil-yad, etc. La personne, elle s'écarte de toutes ces voies-là. Et c'est pour ça que, et donc en se mariant, alhamdoulilah, c'est un bien pour elle, et elle peut s'en écarter de manière plus que sûre, qu'elle n'aura plus à ce moment-là d'excuses, comme on l'a dit. Et c'est pour ça que Luqman, il disait, comme recommandation à son fils, « Kana yaqul ya abunayya, iya kawazina » Il disait, ô mon fils, Luqman, il disait à son fils, ô mon fils, fais bien attention au zina, à l'adultère. La première fois, ça va être bien entendu pour toi une source d'anxiété, le premier acte qui va être, si tu le faisais. Et ensuite, akhiru, et son dernier, ça va être nadama. Ça va être un regret. Et combien ceux qui sont tombés dans cet acte-là infâme, ayyadam billah, ils ont regretté. Même après Tawbah, c'est un acte qui est resté. Wa khasatan binisbatil mar'a. Encore plus précisément pour ce qui est de la femme et de son honneur. C'est pour ça donc que cette chasteté et mettre en moyen tout ce qui va lui permettre de la préserver, ça va être une cause fondamentale pour pouvoir donc s'écarter de az-zina. Ensuite, le troisième moyen, c'est al-haya, la pudeur. Comme on a dit donc auparavant, la pudeur. Avoir donc de la pudeur. La pudeur, c'est un noble caractère. Al-haya, sifatun jamila. C'est une parure dont seul se vêtit celui qui a de la foi, véritablement. Yani, comme on va le voir, la pudeur et la foi, elles sont en relation étroite. Elles sont même inhérentes l'une à l'autre. Comment on définit le haya? Comment on définit les savants le haya? Yaqulun wa khuluqun yab'athu ala fi'l al-jamil wa tark al-qabih. C'est en vérité un khuluq. C'est un comportement, de façon générale, un comportement khuluq yab'athu, c'est-à-dire donc qui va nous pousser, qui va nous mener donc à faire les choses qui sont considérées comme bonnes, comme belles, comme bien, comme agréables, comme honorables. وَتَرْكَ الْقَبِيحِ et délaisser ce qui est mal, ce qui est vil, ce qui est ignoble. هَذَا وَمَعْنَا الْحَيَا كَمَا ذَكَرُوا الْعُلَمَا خُلُقٌ يَبْعَثُ عَلَى فِعْل الْجَمِيل وَتَرْكَ الْقَبِيحِ. Et c'est pour ça que si on regarde la législation, on va trouver beaucoup de textes qui vont insister, qui vont inviter, qui vont appeler l'homme et la femme à faire preuve de pudeur dans leur vie et dans toute leur situation. Et même on va dire que la pudeur, al-haya, c'est bel et bien spécifique pour la femme. Et c'est encore à un degré bien plus important chez la femme, al-haya. Car il y a des choses que l'homme va faire, c'est pas considéré comme haya chez lui. Mais chez la femme, si elle fait la même chose, ça va être considéré comme quelque chose qui est contraire à l'haya. Par exemple, le fait d'élever la voix en présence d'étrangers. Si un homme fait cela, aucun mal. Par contre, si une femme elle fait cela, en pleine rue, elle élève sa voix. Hada min al-haya, et ça fait partie donc de la pudeur. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est encore plus spécifique chez la femme, l'haya. Et même les savants, ils ont dit que s'il n'y avait plus la présence de ce comportement-là, qui est l'haya, il n'y aurait plus à avoir la présence du bon comportement de façon générale. Al-haya, on le retrouve, que ce soit dans le Coran, comme madh, mais également dans le sunnah. Pour ce qui est du Coran, et pour ce qui est de la femme plus précisément, on sait que, d'après l'histoire de Moussa, Moïse, alayhi salam, on sait qu'un jour, lorsqu'il s'est rapproché d'un puits, et qu'il avait donc des filles, et qu'il était les filles de Shu'aib, et comment Allah Azzawajal, il a décrit cette femme, cette fille qui est venue à Moussa. قال فجاءته إحداهما فجاءته إحداهما. Une d'entre elles est venue auprès de lui, de Moussa, تمشي على استحياء. Et elle marchait donc de manière pudique. Elle marchait de manière pudique. Donc regardez ici, Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a fait apparaître ce caractère et ce noble caractère dans le Coran lorsqu'il a cité cette fille-là, qui était la fille d'un homme salih, d'un homme pieux, qui les avait éduqués. Donc il a fait apparaître, subhanahu wa ta'ala, de manière, il a exposé de manière plus que claire, et mis en évidence le caractère, ce caractère-là, lorsqu'il a dit, « Tamshi ala istihya », elle marche pudiquement. « Wa min sifat as-salihat, wallati tuhaqiq al-afaf wal-iffa » Et si on regarde au niveau de la sunna, on s'aperçoit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rapproché la foi et al-haya. On sait que la foi, bien entendu, shu'batun min shu'ab al-iman. Mais également, dans ce hadith, qui est rapporté par Ibn Omar, hadith rawa l'imam al-hakim fil mustadrak, wa sahahu shaykh al-albani rahmatullah alayh, yaqul al-haya'u, yaqul al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-haya'u wal-imanu qurina jami'an. فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرِ. C'est-à-dire donc que la foi, الْحَيَا وَالْإِيمَانِ, la pudeur et la foi, قُرِنَا جَمِيعًا, elles ont été rapprochées les deux. Elles ont été reliées, rassemblées. La foi وَالْحَيَا, elles ont été rassemblées, reliées. فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا, c'est-à-dire si l'une d'entre elles disparaît, ici Raf, Bimana al-Izala, si l'une d'entre elles donc disparaît, alors l'autre il va disparaître. Donc on voit ici qu'automatiquement, Al-Haya ou Al-Iman, c'est deux choses qui sont inhérentes. Deux choses qui sont inhérentes. La personne qui n'a pas de foi, absolument pas de foi, la Haya là-haut. Celui qui n'a pas d'Iman, il n'a pas de pudeur. Et celui qui a l'Iman, il a la pudeur à la Hasab Imani. On a l'Iman, il a la pudeur à la Hasab ما عنده من الإيمان في قلبه. Et également ce hadith de Zayd ibn Talha radiallahu ta'ala anhu, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال إن لكل خلق إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياة. C'est-à-dire que chaque religion ou chaque législation elle a eu un comportement. تميز بخلق, c'est-à-dire il s'est différencié avec un comportement. Et le comportement de l'islam c'est الحياة, c'est la pudeur. والحياة ومادة القلب, مادة حياة القلب, c'est-à-dire donc que la pudeur c'est en réalité, on va dire, la substance vitale du cœur, la véritable substance vitale du cœur. C'est pour ça que le prophète sallam في الصحيحين l'imam al-Bukhari l'imam muslim يقول الحياة خير كله, الحياة خير كله, c'est-à-dire la pudeur, toute pudeur est un bien, tout ce qui fait partie de la pudeur est un bien. Et on sait qu'il y a deux sortes de pudeur. Celle que la personne est là déjà, c'est-à-dire qu'il va y avoir des personnes, de par leur naturel, elles sont plus pudiques que d'autres. Et il y a l'autre pudeur qui va, elle, naqul, al-insan yaktasibuha. Il y a la première jabaliya, c'est-à-dire donc elle est propre, elle est inhérente à l'homme. Et la deuxième, muktasaba, c'est celle donc, yaktasibuha al-insan al-haya. C'est-à-dire l'homme qui ensuite, il l'acquiert. Et ici, une différence que l'on fait, le bab al-tambi, il y a deux sortes de haya. Celles qui sont venues dans la sunna et le Coran, tout est bien. C'est le haya al-mahmouda. Mais il y a une autre sorte de haya qui, elle, est mauvaise, qui, elle n'est pas bonne. Et c'est pour ça qu'il était rapporté de certains salafs, ils disaient al-haya haya'an tarfun min al-iman wal-akhar ajz. C'est-à-dire qu'il y en a une qui fait partie de la foi et l'autre qui fait partie de l'impuissance. Al-ajz, l'incapacité, l'impuissance, la faiblesse. Et c'est pour ça que les savants ils disent la yatlub al-ilm al-mustakbir wa al-mustahi. Deux personnes qui ne peuvent pas apprendre la religion, qui ne peuvent pas apprendre donc la science, deux sortes de personnes, al-mutakabbir, celui qui est orgueilleux, de par son orgueil il ne pourra jamais apprendre la science auprès d'un savant et de patienter, etc. Wa al-thani al-mustahi, celui qui a honte. Donc dans le sens de la honte ici, celui qui a honte, il n'ose pas parler, il n'ose pas demander, il n'ose pas se renseigner, etc. Lui, il apprendra également jamais la science. Et on sait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un nabi, sallallahu alayhi wa sallam, c'était celui qui faisait le plus preuve de haya. C'était celui qui était le plus pudique des hommes, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Plus pudique qu'une vierge. Fi khidriya, subhanallah. Et également, un jour, une femme est venue voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Sahabia, elle est venue lui poser une question. Min hadith Aisha radiyallahu ta'ala anha, qalat sa'alat imra'atun an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kayfa taghtasil min haydatiha. Qalat fa dhakartu annahu 'allamaha kayfa taghtasil thumma ta'khud firsatan min misk fatatahhari bihi aw biha. Qalat yani ba'd dhalik, qalat kayfa atatahhar biha? Qala tatahhari biha subhanallah wastahya wa ja'ala yadayhi ala waji, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'une femme, elle lui demande au prophète, elle lui demandait comment la femme, elle se lave de ses menstrues. Alors le prophète, il lui a expliqué qu'elle devait se laver, qu'elle devait prendre firsatun, qui en vérité est le qita, qui est donc un morceau de musc, et qu'ensuite elle se lave. Elle doit se laver donc des restes du sang, etc. Et donc, il lui a dit le prophète sallam, tastardim adal firsatu min misk, sans bien entendu rentrer dans tous les détails, c'était plus qu'évident. Et la femme, elle a insisté, elle a dit kayfa atatahhar bihada. Et le prophète sallam, à ce moment-là, il a dit tatahhari bi ou biha, subhanallah. Il lui a dit subhanallah, il a dit fais ta purification avec subhanallah. Et il a eu honte, il s'est caché le visage, le prophète sallam. Hada min istihya, min istihya nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui compte donc de plus pour la pudeur de la femme, c'est point suivant. Préservation de son honneur et de sa dignité. Surveiller les ordres et interdiction de son seigneur. Protéger les droits de son époux et l'éloignement de toute voie, de tout endroit malsain et pervers. Et donc la femme, elle a un besoin pressant et constant de cette pudeur. Et la pudeur, elle est apparente. Elle apparaît même sur le visage. Par exemple, une femme qui va être dans une situation, on va dire, qui va être malsaine pour elle, automatiquement ça apparaît sur son visage. Contrairement à celle qui n'a pas de pudeur. Ayadam billah. Donc ça, ça fait partie des moyens, la pudeur, ça fait partie des moyens qui vont permettre à la femme de préserver sa chasteté. De préserver donc al-afaf. Comment ça, quelle heure, quoi? 1 heure de cours? Hein? 1h20? نستمر ونكتفي بهذا القدر on continue ou alors on arrête parce qu'il y a encore beaucoup de choses hein le quatrième moyen qui permet donc à la femme de protéger l'afaf qui protège, de protéger donc sa pudeur ou arfouane sa chasteté c'est l'interdiction de s'isoler avec un étranger. Et également donc, dans le même sens, la mixité, al-irtilat. Donc, man al-khalwa bin al-rajul wal-mar'a. Al-ajnabiyyan taba'an. Wal-irtilat bin al-rijal wal-nisa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde de cela, de l'isolement. Et donc, l'isolement, ça fait partie des moyens qui vont être une cause de la perte de la chasteté. C'est pour ça qu'il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam min hadith ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma la yakhruwanna rajulun imra'atan illa wa ma'aha dhu mahram. Dans ce hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que l'homme n'a pas le droit, strictement interdit donc, qu'il s'isole avec une femme, sauf en présence de quelqu'un qui va être considéré comme mahram pour la femme, al-mahram. وإيجالمن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. C'est-à-dire donc qu'il n'y a pas un homme et une femme qui vont s'isoler sans que la troisième personne qui devient ici présente c'est الشيطان, c'est le diable. كما روى الإمام الترمذي وصححه الألباني. إيجالمن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. Regardez ici, il est revenu à la foi le prophète صلى الله عليه وسلم. À la fois en Allah et son et le jour dernier. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yakhruwanna bimra'atin laysa ma'aha dhu mahram minha fa inna thalithahuma ash-shaytan. Celui qui croit en Allah au jour dernier, il ne doit pas donc rester ou s'isoler avec une femme sans que bien entendu le résultat sera que le troisième sera le diable. Hadha al-hadith rawahu al-Imam Ahmad sahih al-Albani fi al-Irwa. Bien entendu, pour ce qui est de Al-Mahram, donc tous ces textes sont clairs que la femme, il est strictement interdit qu'elle s'isole avec un homme qui est étranger à elle, s'il ne fait pas partie des Mahrams. Ou alors, si elle doit rester avec un homme, en cas de nécessité, alors c'est avec la présence d'un Mahram. Un Mahram avec elle, que ce soit son mari, que ce soit son oncle, etc. Que ce soit son frère, etc. Et bien entendu, Al-Mahram, comme yadhkuruna al-ulama, wa kullu ma. كل من حرم عليه تزويجها على تأبيد بنسب أو رضاع أو مصاهرة. C'est-à-dire donc le mahram, c'est toute personne dont il est interdit qu'il se marie avec cette femme, donc la femme qui va être ici prise en considération. À la ta'abid, de façon donc éternelle. Que ce soit binasab, donc soit par la filiation, ou alors que ce soit bin rida, que ce soit donc par l'allaitement, ou alors que ce soit bin musahara. Il advienne donc au moment où la personne se marie, il ne pourra se marier donc avec les proches, il ne pourra pas se marier avec, il ne pourra pas se marier avec la mère de sa femme, etc. Donc ça c'est bil musahara. Ça c'est le mahram. Et la sagesse, la hikmah, min hada, c'est-à-dire de l'interdiction de l'isolement, c'est un moyen, un chemin direct qui mène au fahisha. Et le diable, il va embellir automatiquement. Si l'homme et la femme se trouvent tous les deux, automatiquement l'homme, le shaitan, il va embellir. Il va embellir les paroles, il va embellir ce qui va se passer dans le cœur, etc. Min al-mazahir, c'est-à-dire suar, parmi les images ou alors les situations qui rentrent dans l'isolement. Si la femme elle se retrouve seule dans un magasin avec un marchand, il n'y a personne d'autre, également sa grande fille, Al-Khalwa. Également, si elle se trouve chez le médecin, par exemple, on sait à la Kulihal que ce qui est obligatoire pour la femme, c'est qu'elle cherche une doctoresse, une femme. Mais si elle ne trouve pas, ça peut être en cas de nécessité, elle ne trouve pas. Donc en cas de nécessité, il lui permet donc d'aller voir ce docteur-là, bien entendu. Lorsqu'il va la voir, il faut automatiquement qu'elle soit en présence d'un mahram. Et il est strictement interdit qu'elle se trouve juste avec le docteur, même en cas de nécessité. Même en cas de nécessité. C'est-à-dire que ici, le mahram, Inch'Allah, il sera présent. Donc il n'y a plus de nécessité. La nécessité, c'était uniquement pour visiter ou pour voir donc ce médecin, si elle n'a pas pu trouver une femme. C'est-à-dire que le shaitan, il coule dans les veines de l'homme. Également pour ce qui est de ta'lim, il est strictement interdit que l'homme, un professeur donc, s'isole avec une femme, même que ce soit donc au nom du ta'lim, au nom de l'enseignement. Et donc on sait que la législation religieuse, elle a pris en compte la nature humaine. Car Allah Azzawajal, il sait ce qui va se passer entre l'homme et la femme s'ils sont isolés. C'est donc dans ce but-là qu'il a interdit strictement l'isolement. Donc la personne, il y a un mortanien. Awalan yanawu min amri Allah Azzawajal, wa thaniyan yanawa yutabiq tabi'at al-insan. Naktafi bihadha al-qadr inshallah wa nukmil ghadan. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.